Sors ta broue. Présentement sur le beat, c'est le specs en flouza. J'veux des hurrahs, dans plage brick sans bougia. La part est ready, j'place ma tactique sans pratique. J'cale 2-3 brindés pour une matrice narcotique. Juste plus de virus qui s'abrite dans mon mental. J'suis un petit plus qui s'agite sur l'instrumental. Goo goo goo, pense-moi la tabrou. J'arrête à 12, sinon moi je vomis partout. J'suis pas un alcoolique, le dos vide en boucan. Quand j'ai fini shit, yo, j'commence à braquer. Comme un mic microphone, mets tes headphones. Pour du rap de qualité, faut que t'acceptes les cap zones. Tape-toi une cassette, mets-la dans ton deck. C'est le son du pic, t'es HIP pour que ça pète. Boy, faut que tu moves, aïe, prends un coup, guy. T'as le party ready pour une full die shot. On the party, on roule les 40. Le party est pogné, on s'essaye pour une Barbie. On the party, on roule les doobies. On est à sur ton party, on s'est loin des two piece. Fou allié, grab le mic, tu pensais qu'on dérivait. Allumez vos spotlights, bas étage, tu le savais. Lève tes bras, bouge ton cul, ça c'est juste un aperçu. On est louche pis superflu, plus malade qu'à tir d'obus. Pense-moi dans le mic, drive. Pour les wag bites, play the buzz hype. Une 40 high pour un chill boogie night. On se prépare pour un drunky fight. Es-tu prête, ton action, no fucking life. Please, passe le bat, ton voisin perd la patience. Moi je m'assieds bien chill, juste avant de tomber en transe. Soldat, je pense c'est censé, danser t'es censé. Yo, trop buzzé, sauf c'est ça, je vais lancer. J'roule ma bosse pour l'époque, j'fais pas avec des pop Joe. Prends la porte, rentre dans le bloc dose, faut que j'me sauve shit. Les feuilles sortent du site, hey le coq d'écrire. Si tu cherches le fuck ou beef, moi mon crew on trade la liste. On trade la liste. On the party, on roule les 40. Le party est pogné, on s'essaye pour une Barbie. On the party, on roule les doobies. On est à ton party, on s'éloigne des two-piece.